السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، nous voici sortis du meilleur moment de l'année. Nous voici sortis des meilleures nuits de l'année, du meilleur mois, le plus béni de l'année. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Ce mois béni qui s'est écoulé, qui s'est en allé, était un mois rempli de bonnes œuvres, des jours remplis de splendeur et des nuits remplies de bonheur. Cela, de par la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce mois et ces moments, cela de par le comportement des croyants, cela de par les bonnes œuvres qui ont été faites durant ces instants. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ce mois passé était le mois de Ramadan. Ce mois béni durant lequel le Coran a été révélé. Et durant le mois de Ramadan, le cœur du croyant se remplit de joie. Il se remplit de joie car lui-même est enclin à se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Son adoration, son obéissance, il se concurrence avec ses frères fillah dans les bonnes œuvres. Il s'entraide dans les bonnes actions. Son cœur se remplit de joie de par ce qu'il voit également autour de lui, dans son foyer ou à l'extérieur, chez ses voisins ou autre part. Il voit l'ensemble des croyants du monde se diriger vers leur Seigneur, se concurrencer vers les bonnes œuvres. Il augmente obéissance à son obéissance. Il ajoute rapidité à sa rapidité à répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Il se réjouit de par la multitude des portes de bien qu'il voit ouvertes et la multitude de croyants qui y entrent, et lui le premier. Son cœur se remplit de joie pour tout cela. Mais il nous faut nous rappeler une chose extrêmement importante. Il nous faut nous rappeler une chose extrêmement importante à la fin du mois de Ramadan, qui est que si le mois de Ramadan, lui, s'est terminé, si le mois de Ramadan, lui, s'en est allé, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier et le dernier, le Seigneur des mondes, notre Créateur et Pourvoyeur, cette adoration-là ne s'arrête qu'avec la mort du croyant. Cette adoration-là ne s'interrompt qu'avec la mort du croyant. Car certes, le croyant n'adore pas le mois de Ramadan, mais il adore le Seigneur du mois de Ramadan. Et le Seigneur du mois de Ramadan, c'est également le Seigneur du mois de Shawwal, le mois dans lequel nous sommes désormais. Ainsi, il se doit d'observer la constance et la droiture. La constance et la droiture. Son œuvre ne s'interrompt que lorsqu'on lui retire son âme. Et ça, c'est un principe qu'on doit assimiler, comprendre, et duquel doit découler la constance, la continuité et la régularité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à cet effet dans son livre, dans Sourate Al-Hijr, « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. Les exégètes du Coran ont dit la certitude dans ce verset, c'est-à-dire la mort. C'est-à-dire, sois constant et régulier dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ton dernier souffle. Ce qui t'est donc demandé, c'est la régularité et la constance tant qu'il y a de la vie en toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à cet effet dans sourate Ali Imran, « Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Ô vous qui avez cru, craignez Allah véritablement et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Et nous savons tous que le moment de notre mort n'est su de personne, si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, celui qui nous a créés et celui qui nous connaît. Qui sait quand nous allons naître, qui sait ce que nous allons faire durant notre vie et qui sait à quel moment nous décéderons, où et dans quelles conditions. Seul Allah Azza wa Jal sait cela. Quant à nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on mourra. Donc, on doit se tenir prêt à tout instant. En étant sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le. Ça n'est qu'ainsi que tu pourras concrétiser l'essence voulue dans ce verset. C'est en te préparant à chaque instant, à chaque moment. Ainsi, lorsque la mort te viendra, tu seras sur le chemin droit, sur l'islam, insha'Allahu ta'ala. Donc, dans le mois de Ramadan, tu te réjouis de voir les croyants se diriger vers Allah Azza wa Jal, de voir les croyants observer les préceptes religieux, chercher à apprendre, chercher à écouter, chercher à purifier leur cœur, chercher à augmenter leur hasanat, à diminuer leur sayyiat, leur péché. Mais, malheureusement, beaucoup, après le mois de Ramadan, baisse la garde face au shaitan, l'ennemi déclaré. Inna shaitan alakum adu, fattakhiduhu aduwa, inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Certes, le diable est un ennemi. Prenez-le donc comme tel. Il ne fait qu'appeler son parti afin qu'il soit du nombre de la fournaise. Il baisse la garde. Certains délaissent également les efforts. Or, comme nous venons de le citer, ces efforts ne doivent s'arrêter qu'au moment de la mort. Et l'action du croyant ne doit s'interrompre qu'au moment de la mort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, « Idha mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu » Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses œuvres s'arrêtent. Donc, le délaissement de l'action et l'interruption a été rattaché à la mort du fils de Adam. Et non pas à la fin du mois de Ramadan. Ainsi, on se rappelle mutuellement que le Seigneur de l'ensemble des mois est unique. Que le Seigneur de l'ensemble du temps est unique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Seigneur nous a ordonné de le craindre et de lui obéir de tout temps, en toute époque, dans ce qu'il nous a commandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Et sa réponse, yani sur le bien, et sa réponse fut قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِيمُ. Dit, j'ai cru en Allah, j'ai foi en Allah, puis observe la droiture. Concrétise l'iman, concrétise l'islam, concrétise le tawhid. Adore Allah seul d'un culte sincère. Et foi aux anges, aux livres révélés, aux messagers, au jour dernier, en la prédestination, qu'elle te soit favorable ou défavorable. Accomplis la prière, acquitte-toi de la zakat, jeûne le mois de Ramadan, accomplis le pèlerinage. Obéis Allah Azza wa Jal. Et istaqim, reste constant sur cela. Reste constant sur cela. Concrétise le tawhid et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Reste constant sur le chemin d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu le fais, reçois la bonne nouvelle d'Allah Azza wa Jal dans son livre. Qui te dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, fala khawfun alayhim wa lahum yahzanu. Ceux qui ont dit, notre Seigneur et Allah, puis ont observé la droiture, nulle peur les saisira, nulle tristesse ne les touchera. Allah nous dit également, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم. Ceux qui ont dit, dans Surat Fussilat, ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, puis ont observé la droiture, puis ont observé la droiture. Les anges descendront sur eux successivement, c'est-à-dire les uns après les autres, pour leur dire, n'ayez pas peur. C'est-à-dire de ce qui adviendra de vous, de ce dans quoi et ce vers quoi vous vous avancez. Vous ne faites que vous avancer vers un Seigneur pardonneur et miséricordieux. Vous ne faites que vous avancer vers un pardon et une félicité, vers un paradis vaste comme les cieux et la terre. Les anges les rassurent au moment où ils sont dans la plus grande épreuve, le moment où ils n'ont plus de force, le moment où leurs membres ne répondent plus de rien, le moment où leur âme s'apprête à sortir de leur corps. Le moment où l'ange de la mort les guette pour retirer leur âme. À ce moment-là, ils n'ont qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur envoie les anges, les serviteurs du tout miséricordieux pour les apaiser et pour les rassurer. N'ayez pas peur de ce qui va arriver, advenir de vous. Et ne soyez pas tristes pour ce que vous laissez derrière vous, femmes, enfants, proches, amis et ainsi de suite. C'est Allah azza wa jal qui en sera le garant. C'est Allah qui va les préserver. Tout comme de votre vivant. C'est Allah qui va leur donner leur subsistance, tout comme de votre vivant. C'est Allah qui les préservera, tout comme de votre vivant. On rassure le croyant. On rassure le croyant. Allah tachafu, wa la tahzanu. Puis on leur annonce la plus grande des nouvelles. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les croyants sont tous les alliés les uns des autres, même si l'espèce diffère. Même si l'espèce diffère, les anges sont les alliés des croyants parmi les enfants de Adam. Et ils invoquent en faveur du fils de Adam et de la fille de Hawa. Ils demandent le pardon pour eux, comme dans Surat Ghafir. Et ils font dua pour eux, comme dans beaucoup de hadiths. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, et dans l'au-delà. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, vous aurez tout ce que vous souhaitez. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ça, c'est la bonne nouvelle faite au moment où le croyant décède, celui qui était sur le tawhid, celui qui était sur la droiture, celui qui était sur la constance. Voici la bonne nouvelle. Et cela nous appelle à étudier ce qu'est l'istiqama, à étudier les causes qui nous amènent à l'istiqama, à la droiture, à la régularité, à la constance. Cela nous amène à nous questionner sur ce qui doit être préservé et ce dans quoi on doit être constant. Et cela passe par l'étude de la science. Cela passe par la connaissance. Cela passe par la recherche et le questionnement. En sortant du mois de Ramadan, des actions se sont interrompues. Le jeûne du mois de Ramadan, Salat al-Tarawih en groupe, la Sadaqa dans le mois de Ramadan. Quant à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle, comme on l'a dit et on le répète, elle ne s'arrête et ne s'interrompt qu'à la mort du fils de Adam. Allah Azza wa Jal veut de toi l'adoration. Parfois de manière absolue. Tu fais du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu fais des nawafil, des prières, tu fais des sadaqat. Et parfois de manière spécifique, à des moments précis, dans des endroits précis, comme la prière en groupe. Comme la prière en groupe. Comme le jeûne de Ayyamul Bidh, le 13, le 14 et le 15 de chaque mois. Comme le jeûne du lundi et du jeudi. Naam. Et ainsi de suite. Il y a des adorations qui sont rattachées à des moments, à des mois, comme le jeûne du mois de Muharram, comme le jeûne de la plupart du mois de Sha'ban. Il y a des adorations qui sont laissées de manière absolue ainsi. Tu peux redoubler d'efforts et te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan s'est arrêté. Mais le jeûne, de manière générale et spécifique, reste légiféré et recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Thalathun min kulli shahr, trois jours de chaque mois. Trois jours de chaque mois. Le 13, le 14 et le 15, c'est-à-dire Ayyamul Bil. Naam, le prophète alayhi salatu wa sallam encourageait à jeûner trois jours par mois. Et plus spécifiquement et particulièrement, Ayyamul Bil, les jours de pleine lune, le 13e jour, le 14e jour. Et le 15e jour. Il nous dit Thalathun min kulli shahr. Trois jours de chaque mois. Wa ramadan ila ramadan. Et de ramadan à ramadan. Fahada siyamud dahr. Ceci sera compté comme le jeûne continue. Celui qui jeûne ramadan et qui rajoute trois jours par mois, on lui donnera la récompense comme s'il avait toujours jeûné. Rapporté par l'imam muslim. Aussi Abu Huraira radiallahu anhu nous dit Awsani Khalili bi thalath, mon bien-aimé, et plus encore, m'a recommandé trois choses. Et parmi ces trois choses, Siyamu thalathati ayyam min kulli shahr, le jeûne de trois jours, et cela chaque mois. Il y a également le jeûne du lundi et du jeudi, particulièrement. Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné au sujet du jeûne du lundi et du jeudi. Et il a dit, ce sont les jours durant lesquels les actions sont présentées au tout miséricordieux et j'aime à ce qu'on me présente, à ce qu'on présente mes actions en état de jeûne. Et il a dit, concernant le lundi, Dhaka yawmun wulidtu fih, voici un jour dans lequel je suis né. Quoi qu'il en soit, on nous encourage à jeûner le lundi et le jeudi. Tu vois, on t'encourage également le jeûne du mois de Muharram. Le jeûne du mois de Muharram, autant que possible. On t'encourage aussi à jeûner la plupart du mois de Sha'ban. Ainsi, tu vois clairement que si le mois de Ramadan est parti, l'adoration que tu faisais durant le mois de Ramadan, As-Siyam, elle, n'est pas terminée. Dans les adorations, il y a des piliers. Des obligations. Le jeûne du mois de Ramadan en fait partie. Mais il y a également des actes recommandés et très considérés. Et parmi ceux-là, le jeûne des autres jours de l'année. Une remarque que tu dois prendre en considération est que quand tu souhaites jeûner un jour non obligatoire, ne jeûne pas seul le vendredi. Si tu veux jeûner le vendredi, il te faudra jeûner avec le jeudi. Ou le samedi. Car l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam a jeûné le vendredi. Il lui a dit Asumti yawman qabla, est-ce que tu as jeûné la veille? Elle lui a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu vas jeûner demain? Elle a dit non. Il lui a dit, aftiri idhan, alors romps ton jeûne. Les savants ont tiré de cela que celui qui souhaitait jeûner le vendredi, ça lui était seul détestable. C'est détestable de jeûner le vendredi tout seul. Et celui qui veut le jeûner, en ayant pleinement la récompense à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il devra jeûner jeudi et vendredi. Et s'il est vendredi et qu'il n'a pas jeûné le jeudi, il devra ajouter avec le vendredi le samedi. Et s'il ne souhaite pas jeûner le samedi, alors qu'il rompt son jeûne, si ça n'est pas un jeûne, obligatoire. Si ça n'est pas un jeûne, obligatoire. Voici pour la nafila du siyam. Voici pour l'acte méritoire et recommandé concernant le jeûne. Et certes, si salat ou tarawih, les nuits de Ramadan sont terminées, na'am, les prières de nuit durant l'année, elles, ne sont pas terminées. Elles ne s'interrompent pas. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, priait que ce soit les nuits de Ramadan, que ce soit en dehors du mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal a encouragé cela dans le Coran et a fait les éloges de ceux qui se lèvent durant la nuit dans le Coran pour adorer Allah Azza wa Jal avec crainte et espoir. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans son livre, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَا اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah Azza wa Jal fait les éloges dans Surat Az-Zumar de serviteurs pieux à lui qui se lèvent la nuit, qui se tiennent debout, qui se prosternent. Ils redoutent l'au-delà. Ils espèrent la miséricorde de leur Seigneur. Allah fait les éloges ici de ceux qui se lèvent la nuit, de par la science qu'ils ont. Qu'est-ce qui les a poussés à cette action? C'est la connaissance qu'ils ont. C'est pour cela qu'à la fin, on nous dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ici, il y a le mérite de la science et des gens de science. Cette science-là les pousse à adorer Allah Azza wa Jal plus que les autres. Plus que les autres. Et à se lever la nuit par crainte et espoir de ce qu'ils ont connu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également « Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'ouna rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqunahum yunfiqoun » Dans surat al-Sajda, si je ne me trompe pas, leurs flancs s'arrachent de leur lit. Ils invoquent leur Seigneur avec crainte et désir. Ça, c'est l'attitude du croyant. Il se lève la nuit de par ce qu'il a su comme grande grâce et miséricorde, récompense, pardon et paradis auprès d'Allah. Il l'adore, sincèrement à la recherche de son agrément. Mais également, il craint pour ses péchés. Il craint le châtiment d'Allah et sa menace. Il craint de ne pas être accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ses fautes. Alors il reste toujours entre la crainte et l'espoir. Toujours entre le désir et la peur. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a vanté les serviteurs, le mérite des serviteurs du tout miséricordieux. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ici Allah Azza wa Jal, à la fin de Surat Al-Furqan, nous décrit les serviteurs qui ont la foi, une foi très haute, les serviteurs particuliers du tout miséricordieux. Et dans leur description, on trouve « وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا » Ceux qui passent leur nuit, c'est-à-dire une partie de leur nuit, en prosternation et debout. Deux, on a mentionné les deux stations les plus nobles de la prière. Et les savants ont même divergé laquelle des deux était la plus méritoire. La prosternation ou bien le moment du qiyam, c'est-à-dire lorsque tu récites le Coran. Le qiyam, de par ce que tu dis, est plus noble. Et la prosternation, de par ton état et ta soumission totale, est plus méritoire. Ainsi, ça a donné lieu à cette divergence. Ça a donné lieu à cette divergence. Mais ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, c'est que le moment où ton Seigneur est le plus proche de toi, c'est lorsque tu es incliné dans les ténèbres de la nuit. Lorsque tu es incliné à la fin de la nuit. C'est le moment où Allah azza wa jalla est le plus proche de toi. Et le prophète alayhi salatu wassalam te dit également que le moment où toi tu es le plus proche d'Allah, c'est lorsque tu es prosterné. Voici deux hadiths. Le moment où toi tu es le plus proche d'Allah, c'est quand tu es en prosternation. Et le moment où ton Seigneur est le plus proche de toi, c'est à la fin de la nuit. Si je me souviens bien, en prosternation à la fin de la nuit. Allahu Akbar. Donc là, on t'encourage à quoi ? À prier la nuit. Ça, c'est la noblesse du croyant. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, « Ya Muhammad, ish ma shi'it fa innaka mayyit. » وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. Ô Mohammed, vis le temps que tu veux, tu mourras. Aime qui tu voudras, tu t'en sépareras. Et fais ce que tu voudras, en fonction tu en seras rétribué, na'am. Et sache que la noblesse du croyant réside dans la prière de nuit. La noblesse du croyant réside dans la prière de nuit. Non. Jusqu'à la fin du hadith, le fait de ne pas dépendre des gens et ainsi de suite. Beaucoup d'autres hadiths. On trouve également que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est rentré à Médine, Abdullah ibn Salam radiallahu anhu nous dit les premières paroles que j'ai entendues de lui. Furent « Ayyuhan nas » Afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil-layl wan nas qiyam tadkhulu al-jannata bisalam. Ô vous les gens, répandez le salam, nourrissez les gens, liez les liens de parenté et priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. La prière de nuit est une cause pour entrer au paradis en toute sécurité. La prière de nuit est la meilleure prière après la prière obligatoire. Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith est dans le recueil d'Imam Muslim, « Afdalu salati ba'da al-maktouba, salatul layl. » La prière la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. Les savants ont dit car elle est plus proche de la sincérité. Parce que dans la nuit, tu peux être vu de personne. Quant à la prière de jour, probablement on te verra pour les nawafil et sûrement on te verra pour les prières obligatoires car tu pries à la mosquée si tu es un homme. Aussi, c'est le moment de la descente divine. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Notre Seigneur descend au ciel de ce bas-monde lorsqu'il reste un tiers de la nuit et cela toutes les nuits. Et dit ma yad'uni fastajibana. Ma yas'aluni fa'atiyah fa'atiya la. Wa ma yastaghfiruni fa'afir la. Qui me sollicite, qui me demande, qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande afin que je lui donne, et qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Et cela toutes les nuits. Et cela toutes les nuits de l'année. Toutes les nuits de l'année. Jusqu'au fajr. Toutes les nuits de l'année, du dernier tiers jusqu'au fajr. Qu'est-ce qui nous empêche, après le mois de Ramadan, de rechercher les faveurs d'Allah Azza wa Jal, de rechercher le pardon de notre Seigneur? N'avons-nous pas un péché à nous faire pardonner? N'avons-nous pas une grâce à rechercher? N'avons-nous pas des faveurs à demander? N'avons-nous pas de besoins à réclamer? Ça, c'est le meilleur moment. N'avons-nous pas un problème à dissiper? Une affliction de laquelle on souhaite se décharger? Une injustice subie qu'on souhaite réparer? Et j'en passe. C'est le moment de la demande, c'est le moment de l'humiliation, c'est le moment de lever les mains. C'est le moment où tu te diriges vers Allah Azza wa Jal et Allah te donne tout ce que tu demandes. Allah t'exauce. Allah aime que tu lui demandes. Tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal se Yani agré lorsque tu lui demandes et se met en colère lorsque tu t'en détournes. Contrairement au fils de Adam qui aime lorsque tu ne lui demandes pas. Se met en colère quand tu lui demandes trop. Non. Donc, ces adorations-là, la prière de nuit, tout comme c'est légiféré dans le mois de Ramadan, c'est légiféré toute l'année. Il Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu nous dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqoumu al-layl, le prophète sallam se levait et priait la nuit hatta tarima qadama, jusqu'à ce que ses pieds s'effritent, jusqu'à ce que ses pieds s'ouvrent ou bien na'am se détériore. Ici ça fait référence à quoi? À la longueur du qiyam du prophète alayhi salatu wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, combien ont décrit la prière de nuit du prophète alayhi salatu wa sallam? Il entre en prière la nuit, il récite surat al-Baqarah. Il se dit, il va se prosterner. Après 100 versets, il continue. Il se dit, il va se prosterner. Après 100 versets, il continue encore. Il finit la surah, il se dit, il va se prosterner. Il continue encore. Ali Imran, puis An-Nisa. Sallallahu alayhi wa sallam. A'badun nas. Wa aqwahum. Le pieux, celui qui adorait le plus Allah Azza wa Jal. Celui qui le connaissait le plus. Le plus fort des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Dans Salat al-Tarawih, lorsque les gens sont derrière l'imam et qu'ils récitent un quart de hizb, yani deux pages en une raka'a, ils trouvent que c'est long et lui demandent de réciter plus vite. Et ils se plaignent peut-être. Allahu Akbar. Ce qui fait un tarawih en tout et pour tout de environ 1h10, 15, en ayant récité 20 pages de Qur'an. En ayant cité 20 pages de Coran, ici, le prophète alayhi salatu wa salam récite entièrement Surat al-Baqarah dans une raka'a. Près de 5 hizb en une raka'a. Puis il rajoute Ali Imran, puis il rajoute An-Nisa. Sans finir An-Nisa, tu dépasses 10 hizb. 100 pages. Et tu n'as pas fini Surat al-Nisa. 100 pages. C'est-à-dire 5 jours, plus de 5 jours de tarawih. Le prophète fait ça en une raka'a. Et il prend son plaisir dans cela. Et il atteint cette plénitude dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et il connaît sa splendeur. Non, c'est pas une adoration subie. C'est une adoration recherchée. C'est une adoration plaisante. C'est le délice de la foi. C'est le goût de la foi qui est trouvé et qui est recherché. On a parlé du jeûne, on a parlé de la prière de nuit. Voyez-vous, les commerçants, après les soldes, font leur compte. Et ils regardent ce qu'ils ont fait comme bénéfice et ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont fait comme perte. Et toi, dans l'adoration, tu fais du commerce avec Allah Azza wa Jal. Tijaratan lan tabour. Allah Azza wa Jal a dit un commerce qui n'est jamais périssable. هل أدلكم على تجارة ne vais-je pas vous guider vers un commerce? L'adoration d'Allah Azza wa Jal a été appelée un commerce avec Allah dans le Coran. Donc tu dois faire tes comptes après Ramadan. Et regardez, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont fait du bénéfice, un peu ou beaucoup? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui ont fait des pertes, un peu ou beaucoup? Et les deux parties ont des signes clairs et explicites qui ne trompent pas. Quant à ceux qui ont réussi leur commerce avec Allah, ont fait du bénéfice, leurs signes sont les suivants. Ziyadatul istiqama ou l'istiqama. Premièrement, la droiture s'il ne l'était pas. Et l'augmentation de la droiture, s'il l'était déjà. Deuxièmement, azamatur raghbati fi ta'atillah, le désir immense d'obéir à Allah Azza wa Jal et de chercher les actes pour le satisfaire. C'est-à-dire qu'il ne tient pas en place, il veut agir. Comme il était dans Ramadan, il ressent un manque. Il demande qu'est-ce que je peux faire pour garder ce niveau, ce délice que j'ai, auquel j'ai goûté, ce goût que j'ai pu palper, que j'ai pu atteindre, duquel j'ai pu me délecter. Il demande, il recherche, il a un désir, il ressent en lui cette guidée, cet entrain qui le dirige vers les bonnes œuvres. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ajoutez à cela un troisième point. C'est la répulsion face au péché. C'est le dégoût du péché. Tout comme il a un désir ardent d'aller vers l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, il est récalcitrant face au péché. Un dégoût, il le ressent comme le goût sur sa langue. Comme il ressent le goût sur sa langue. Il déteste le péché, la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Parmi les signes, le manque ressenti et l'espoir d'atteindre un autre moment de grand commerce avec Allah Azza wa Jal. Il sort de Ramadan, il pense au Hajj. Il sort du Hajj, il pense à Ashura. Il est dans le Hajj, il pense à le mois de Hajj, et là il pense au jeûne de Arafah. Il sort du Hajj, il pense au jeûne de Ashura. Il fait que attendre des moments opportuns où il y a de grandes récompenses et un grand commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous ces signes? Il couronne le tout avec la joie d'avoir adoré Allah Azza wa Jal, le repentir pour ne pas avoir fait comme il devait, comme il se devait, et troisièmement, la peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Trois choses, retenez-les. Al-farah, la joie d'avoir pu atteindre ce mois, compléter ce mois, d'avoir adoré Allah Azza wa Jal dans ce mois. À cet effet, Allah nous dit dans le Coran, « Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dhalika falyafrahu wa khayrum mimma yajma'u. » Dit, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est-à-dire de par le Coran et par l'islam, de cela qu'ils se réjouissent. Te réjouir de tes bonnes œuvres ne va pas à l'encontre de la sincérité. Tu te réjouis parce qu'Allah t'a aidé, t'a assisté, t'a réussi à faire l'action, t'es content. Tu ressens cette joie dans ton cœur. T'as jeûné, t'as prié, t'as fait des sadaqat, t'as fait du bien, t'as délaissé le mal, t'es content. Parce que tu as été un serviteur d'Allah Azza wa Jal réellement, véritablement, tu te réjouis de ça. Parce que tu as réussi à faire ce qu'Allah a voulu de toi. Parce que Allah t'a choisi et t'a choisi toi et pas l'autre. Tu te réjouis de ça. Ton cœur bouge dans tous les sens dans ta poitrine. Tu te réjouis, tu es content. Le mois de Ramadan est passé et j'ai jeûné. Et j'ai prié. Et j'ai adoré Allah Azza wa Jal. Allah m'a aidé, m'a assisté. Tout cela grâce à Allah Azza wa Jal. Tu te réjouis. De cela qu'ils se réjouissent, Allah nous dit dans le Coran. C'est bien meilleur que ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme richesse mondaine. La deuxième chose, c'est qu'après avoir fait tes comptes, tu verras que chaque jour et chaque nuit, tu as eu des imperfections et des lacunes. Tu as commis des fautes. Alors tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Tu fais beaucoup d'istighfar, beaucoup de taouba. Comme il a été légiféré pour la fin de beaucoup d'œuvres. À la fin de la prière, tu dis trois fois astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Au Hajj, beaucoup d'istighfar de Tawba, et ainsi de suite. Et le roi Salem a fini sa noble vie remplie d'adoration avec Rabbi Ghfir Warham wa Al-Hiquni fir Rafiq Al-A'la. Le roi Salem a fini sa noble vie avec l'istighfar, rempli de hasanat pourtant, éloigné de tout péché pourtant. Et la troisième chose, c'est la peur qu'Allah n'accepte pas de toi. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah n'accepte que des gens pieux. C'est-à-dire des gens qui ont été pieux au moment de l'œuvre, qui ont été sincères envers Allah et en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que certains parmi les pieux prédécesseurs comme Fadala et autres disaient de savoir qu'Allah accepte de moi le poids d'une petite fourmi de bonne œuvre, mais préférable à ce bas monde et tout ce qu'il a envers. Allahu Akbar. Et d'autres disaient, si j'avais su qu'Allah avait accepté de moi, ne serait-ce qu'une prosternation, j'aurais espéré la mort. Car Allah dit, il n'accepte que des gens pieux. Allah nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui dépensent de ce qu'ils dépensent, alors que leurs cœurs sont pleins d'effroi, à l'idée de retourner vers leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha dit à Rasulallah, ce sont les gens qui pêchent, ce sont les gens qui volent, boivent de l'alcool, commettent la fornication, et tel péché. Il lui a dit, la yabnata siddiq. Il lui a dit, non, ô toi la fille du très véridique. Mais ce sont plutôt les gens qui prient, qui jeûnent, qui font des aumônes. Mais ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Allahu Akbar. La description de la peur du verset a laissé entendre à Aïcha radiallahu anha, cette femme savante, qu'il s'agit ici de pécheurs, qu'il s'agissait ici de pécheurs, quand elle a vu leur peur dans le verset. Hassan lui a dit non, c'est la peur des gens pieux ici. C'est la peur des gens pieux qui ont fait des bonnes œuvres, qui ont parfait leurs bonnes œuvres, mais ils connaissent Allah. Alors ils ont peur. Ils connaissent de la perfection d'Allah. Alors ils ont peur. Ils savent la perfection qu'Allah mérite, du moins. Alors ils ont peur qu'Allah n'accepte pas de leurs œuvres. Parce qu'ils connaissent leurs péchés. Ils connaissent leurs lacunes. Ils connaissent leurs imperfections. Ils ont peur qu'Allah rejette leurs bonnes œuvres de par leurs péchés passés. Ils ont peur d'être rattrapés aussi par le livre. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَى الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Et certes, l'homme fait les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée au paradis qu'un empan, aucune coudée. Son livre le rattrape, le destin, ce qu'Allah a su de lui, ce qu'Allah lui inscrit dans les tablettes préservées. Alors son livre le rattrape, le destin. Il se met à faire les actions des habitants de l'enfer et il finit par y entrer. C'est pour cela qu'on ne doit pas se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. C'est pour ça qu'on doit avoir peur qu'Allah n'accepte pas nos œuvres. On doit se rappeler de nos péchés passés. On doit se demander, est-ce qu'on s'est repenti de nos péchés? Comment est-ce qu'on a jeûné? Qu'est-ce qu'on a fait dans ce mois? Et qu'est-ce qu'on a fait avant? On doit éplucher nos comptes. Sérieusement, plus encore que le commerçant très habilité, le commerçant très proche de son argent, le commerçant très fort dans la comptabilité. Parce que Yom al-Qiyam wa Ikhwan al-Kiram, la pesée aura lieu sur la chose la plus minime. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. La pesée, la balance sera établie le jour du jugement dernier. Et c'est d'une manière minutieuse qu'on ne peut imaginer. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ. On nous dit dans le Coran, même si c'est le poids d'une petite fourmi, on va la ramener. Le poids d'une petite fourmi de péché, tu vas le voir sur la balance. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est quoi le remède? Là, entre la crainte et l'espoir, agit avec ce qui découle de ça. Rajoute des bonnes œuvres et peur qu'on n'accepte pas de toi. Parfait la sincérité et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et demande pardon à Allah azza wa jalla pour les imperfections. Que ce cœur ne cesse d'être rempli de ces deux choses-là. La crainte et l'espoir. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala disait, les meilleurs d'entre nous, les plus prédécesseurs, unissaient entre ces deux choses-là. L'excellence dans l'œuvre et la peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. L'excellence dans l'œuvre et la peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas d'eux. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, car Allah n'accepte que des gens pieux. Et chacun a accusé sa personne. Ibn Mulayka, rahimahullah ta'ala, disait, j'ai rencontré une soixantaine de compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Tous redoutaient pour leur propre personne l'hypocrisie. Allahu Akbar. Ils ont vu le prophète alayhi salat wa salam. Ils l'ont accompagné. Ils l'ont salué et reçu de lui les invocations. Allahu Akbar. Ils l'ont accompagné, ils l'ont défendu, ils l'ont soutenu. Ils ont été ses ministres et les meilleurs. Les cœurs les plus purs, les actes les plus pieux. Et malgré ça, ils avaient peur d'être des hypocrites. Allahu Akbar. Personne ne se sentait à l'abri. Personne ne se sent à l'abri si ce n'est l'ignorant. Donc il nous faut étudier ces textes et agir en conséquence. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son livre, واجبنا نحو ما أمرنا الله به disait notre يعني ce qui nous incombe face aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Quand il a parlé de ce chapitre-là, le fait d'avoir peur qu'Allah n'accepte pas de nous. Na'am, il disait, et cette qualité fait partie des choses les plus rares sur les gens à notre époque. Il dit ça, et il est décédé en 1206 de l'Égypte. Il est né en 1115, rahimahullah, et décédé en 1206 de l'Égypte, rahimahullah. Et il dit ça à son époque. Et on est en 1442, n'est-ce pas? On est en 1442. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, à notre époque? Peut-être que les gens ne savent même pas que ça, c'est une chose demandée. Peut-être qu'ils ne savent même pas que c'est une chose fortement recommandée et demandée, plutôt exigée. Donc voici les signes que tu fais partie de ceux qui ont fait du bénéfice, de ceux qui ont réussi leur jeûne. L'apaisement de la poitrine, l'élargissement de la poitrine, l'amour d'Allah, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du Qur'an, l'amour de l'adoration, et de tout ce qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal, et des hauts degrés au paradis. Parlons maintenant de ceux qui ont échoué. Et essuyer une grande perte. Ce sont ceux qui, premièrement, étaient dans les péchés avant le mois de Ramadan et sont restés dans les péchés pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Deuxièmement, ils sont encore pires, ceux-là. Ils ont augmenté les péchés après le mois de Ramadan. Plus encore qu'avant le mois de Ramadan. Ils n'ont tiré aucun profit et aucune leçon du mois de Ramadan. Le troisième signe, ils se réjouissent de la fin du mois de Ramadan, pas parce qu'ils ont adoré Allah Azza wa Jal, non, mais parce qu'ils vont pouvoir retourner à leurs péchés qu'ils commettaient avant le mois de Ramadan. Comme ceux qui consommaient des drogues, comme ceux qui commettaient la fornication le jour de journée, comme ceux qui... Ils étaient comme enchaînés pendant le mois de Ramadan, comme les shayatines l'étaient pendant le mois de Ramadan. Une fois que le mois de Ramadan s'arrête, ils se disent, génial, on va pouvoir retourner à la consommation de la cigarette, du cannabis, de la drogue, de films pornographiques, de sites sales et de débauches, parler avec des femmes dans le haram. Ils se disent, génial, je vais pouvoir retrouver la fille de la rue, je vais pouvoir déverser mes passions sur elle, je vais pouvoir contempler les femmes dans le haram, et ainsi de suite. Il est content que le mois de Ramadan s'interrompt. Pourquoi? Parce qu'on l'empêchait de faire dans la journée du mois de Ramadan son semblant et reste de pudeur qui lui restait, ou celui des autres, l'empêchait de faire dans la journée de Ramadan ce qu'il pouvait faire en dehors du mois de Ramadan. Alors il est heureux, il est content parce qu'il va pouvoir retourner à la fornication, parce qu'il va pouvoir retourner au haram. Ça, c'est un des plus grands signes qu'il a raté son jeûne du mois de Ramadan et qu'il fait partie de ceux qui ont été ruinés dans le mois de Ramadan. Très loin du bénéfice, ni même de la stabilité. Parmi les pires signes de la ruine, le laxisme dans la prière après Ramadan. Pire encore, l'abandon de la prière après Ramadan. A'oudhu billah. Wallahi, le mu'min, si tu lui dis ne prie pas, sinon tu vas perdre la vie, il préfère entrer dans le feu plutôt que de délaisser la prière dans ce pas. Si tu lui donnes le choix entre garder son islam, sortir des niran dans l'au-delà et rentrer dans le feu, il choisit de rentrer. Yani, si tu lui donnes le choix entre perdre son islam et l'allié qu'est Allah Azza wa Jal, soit ça, soit il rentre dans le feu et choisit le feu. Et ça fait partie des signes du délice de la foi. ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان. Trois choses, celui qui les a goûtera au délice de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قاده الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Trois choses, celui qui les a goûtera au délice de la foi. Qu'il aime Allah et son messager plus que tout autre. Qu'il aime son frère et ne l'aime que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Naam. La prière, c'est la prunelle des yeux du croyant. La prière, c'est le lien solide avec son Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. La prière, c'est ce par quoi tu te délectes et tu atteins la plénitude dans ta religion. Il n'y a pas d'islam sans prière. La limite entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura mécru, a dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc si tu vois la personne qui priait avant Ramadan ou pendant Ramadan, et après Ramadan elle délaisse la salat, c'est un des pires signes qui nous montre qu'Allah Azza wa Jal lui a jeté son jeûne, lui a rejeté son jeûne, ne l'a pas accepté. Un des pires signes, le fait de s'éloigner de l'écoute du Coran et le fait de ne pas aimer le rappel par le Coran. Pendant Ramadan, tu pouvais lui faire le rappel, tu pouvais l'orienter. Après Ramadan, il ne veut pas que tu lui parles de din. Après Ramadan, son oreille, elle n'est concentrée que sur la musique. Son oreille, elle n'est concentrée que sur la médisance, sur le colportage, sur le haram. Par contre, si tu lui dis, crains Allah, corrige-toi dans ça. Crains Allah, fais ceci. Crains Allah, délaisse cela. Il n'aime pas. Son oreille n'est plus enclin à l'écoute du rappel. Ça, c'est un des pires signes qui montre qu'il a échoué et n'a pas obtenu le bénéfice du mois de Ramadan. Les mauvaises fréquentations, le retour aux mauvaises fréquentations, aux mauvaises assises, c'est un signe que son jeûne n'a pas été accepté. C'est un signe qu'il a été ruiné dans le mois de Ramadan. C'est un signe qu'il n'a pas fait de bénéfice. Le fait de ne pas se réformer et de ne pas chercher à se réformer, de ne pas penser à se réformer après Ramadan, est un des signes qu'il a perdu, qu'il a été ruiné. Il a fait un trou abyssal dans sa poche, dans son compte. Il a raté Ramadan. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserver. Et un hadith suffit pour résumer tout cela. Lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, le meilleur des anges envoyés, qui vient voir le meilleur des prophètes envoyés. Il lui dit, « Man lam yughfar la, yani man adraka Ramadan, celui qui attend le mois de Ramadan, fa lam yughfar la, et on ne lui pardonne pas, fa mat, il meurt sur ça, dakhal an-nar, il entre en enfer, fa ab'adahu Allah, Allah l'éloigne, dit Amin. » Le prophète sallam a dit Amin. Jibril vient voir le prophète pour lui dire ça. Celui qui meurt, ou plutôt celui qui attend le mois de Ramadan et ne se voit pas pardonner ses péchés, il meurt sur ça, qu'Allah l'éloigne, il rentre en enfer. Dit Amin. Rasulallah a dit Amin. Avec toutes les causes. Le mois de Ramadan s'est arrêté, Ikhwan al-Kiram. Et dans le mois de Ramadan, les portes étaient, du paradis étaient toutes ouvertes. Le mois de Ramadan s'est arrêté, mes chers frères. Et pendant le mois de Ramadan, les portes de l'enfer étaient fermées, toutes. Le mois de Ramadan est parti, c'est terminé. Et mes très chers frères, et pendant le mois de Ramadan, les démons étaient enchaînés. Le mois de Ramadan est parti, mes chers frères, et pendant le mois de Ramadan, on a prié. Le mois de Ramadan est parti, mes chers frères, certes, et pendant Ramadan, on a jeûné. Le mois de Ramadan est parti, mes chers frères, et pendant le mois de Ramadan, vous avez fait des aumônes. Vous avez prié la nuit. Vous avez donné. Vous êtes retenu. Vous êtes repenti. Vous avez pleuré. Vous avez espéré. Vous avez redouté. وَإِنَّا لَا نُذِيعَ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Et recevez la bonne nouvelle. Qu'Allah Azza wa Jal nous dit, on ne perdra aucune récompense de ceux qui ont bien agi. Tout ce que tu as fait pendant le mois de Ramadan, espère la récompense chez Allah Azza wa Jal. Espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et réforme-toi pour l'après Ramadan. Qui seras-tu donc après le mois de Ramadan? Celui qui a obtenu le bénéfice, celui qui a réussi, celui qui s'est réformé, celui qui a changé, celui qui a évolué, celui qui s'est corrigé, ou alors celui qui a été ruiné, celui qui a perdu, celui qui a été déchu, celui qui a péri. On demande à Allah Azza wa Jal de nous joindre au nombre de ceux qui ont réussi et au nombre de ceux dont le Prophète a dit « Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. On demande à Allah de nous joindre dans ces trois promesses. Celui qui s'est levé les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Celui qui s'est levé la nuit de la Laylatul Qadr avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Et celui qui a jeûné le mois de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Un des plus prédécesseurs a dit, il y a des gens dans le mois de Ramadan qui font des efforts et qui obéissent à Allah. Une fois le mois de Ramadan passé, ils retournent à leur péché. Ces gens-là ne connaissent leur Seigneur que dans le mois de Ramadan. Quels mauvais serviteurs sont-ils? Quels mauvais serviteurs sont-ils? Et toi, serviteur d'Allah, tu ne dois pas faire partie de ces gens-là. Tu ne dois pas faire partie de ces gens-là. Après le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jalla nous a ouvert encore une grande porte d'adoration. Et le croyant est celui qui, lorsqu'il cherche, il sort d'une porte, en cherche une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans le hadith de Abi Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, « Man sama Ramadan, thumma atba'u sitta min shawwal, kana ka siyami d-dahr. » Celui, le prophète sallam nous dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim, « Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis fait suivre cela de 6 jours de shawwal, aura la récompense comme s'il avait jeûné toute l'année. » Les savants expliquent, car quand tu jeûnes un jour, on te donne 10 fois son équivalent. 30 jours, ça te fait 300, ça te fait 10 mois. Il en reste 2. Il en reste 2. En jeûnant 6 jours, ça te fait 60 jours. Ça fait 2 mois. Ça fait 12 mois. Ça fait 1 an. Et si tu fais ça tous les ans, ça te fera toute ta vie. Allahu Akbar. Voici la grande récompense que nous annonce ici le prophète, alayhi salatu wassalam. Et dès le lendemain du Eid, tu peux commencer le jeûne des 6 jours de Shawwal. Retenez cela, appliquez-le sur vos personnes. Encouragez vos familles. Encouragez vos proches et propagez cela. Afin d'avoir votre récompense et la récompense de tous ceux qui appliqueront cela. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, celui qui montre une bonne voie à autrui aura la récompense, et la récompense de tous ceux qui le suivront dans cela. Allahu Akbar, si toi tu fais ça, et tu orientes un frère, tu auras ta récompense et les siennes. Et si tu orientes 10 frères, tes récompenses et les récompenses des 10 autres. Et si ces 10 frères-là en orientent encore 10, les 10 autres et les 10 autres. Wahalumma, ainsi de suite. Et le jeûne de ces 6 jours renferme de grandes sagesses, comme la récompense d'un jeûne d'une année, et si tu fais ça tous les ans d'un jeûne continue toute ta vie. Aussi, ça vient pallier aux imperfections que tu as eues dans le jeûne de Ramadan, et ça vient aussi à la place de Nafila après la prière obligatoire. Naam. Quatrièmement, c'est aussi Shukranillah, c'est une reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla, un remerciement de t'avoir permis de jeûner Ramadan. Tu le remercies en ajoutant, parce que parmi les effets et les signes, j'ai oublié ça, parmi les effets et les signes de l'acceptation de l'adoration, c'est l'adoration après. Parmi la récompense et les effets et les signes de l'acceptation de l'adoration, c'est qu'Allah te facilite une autre adoration après l'adoration. Un des signes que tu as réussi Ramadan, c'est de jeûner les 6 jours de Shawwal. Un des signes que tu as été agréé chez Allah Azza wa Jalla dans Ramadan, c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla après le mois de Ramadan. Donc c'est un signe d'agrément d'Allah, un signe de son acceptation. C'est aussi une reconnaissance pour tout ce qu'Allah t'a donné dans le Ramadan. Essaye de te souvenir de l'état de ton cœur pendant Ramadan. Essaye de te souvenir de l'état de tes pieds les nuits de Ramadan. Essaye de te souvenir l'état de ton cœur à la fin de la nuit de Ramadan. Essaye de te souvenir de l'état de tes membres dans les nuits de Ramadan, prosternés, incliné, debout, appelle-toi ta langue, les doigts que tu faisais pendant Ramadan. Tout cela, c'est que grâce à Allah Azza wa Jal. C'est pas parce que tu es plus fort qu'un autre, c'est pas parce que tu es plus intelligent qu'un autre, C'est pas parce que tu assistes au cours de tel ou d'un tel ou d'un tel. Non, mais c'est un bien qu'Allah a voulu pour toi. Sois donc reconnaissant. Fadlan min Allah wa ni'ma. C'est une grâce de la part d'Allah et un bienfait. Allah t'a éduqué dans le mois de Ramadan. Il t'a fait voir de ta personne que tu pouvais te surpasser. Il t'a fait voir de ta personne que tu pouvais te retenir de faire les péchés. Il t'a fait voir de ta personne que tu pouvais veiller, que tu pouvais jeûner, que tu pouvais donner en aumône ce que tu ne pensais même pas un jour pouvoir donner. Certains n'avaient jamais donné plus de 1 euro en aumône. Ils ont donné 1000 euros. Certains n'avaient jamais donné plus de 100 euros en aumône. Ils ont donné 2000 euros. Certains et certains. Naam. Certains n'avaient jamais cuisiné pour plus de 5 personnes. Elles ont cuisiné pendant des jours pour des dizaines, pour des vingtaines, peut-être des centaines de personnes. On a vu les gens se concurrencer dans le bien et ça réjouit le cœur de tout croyant. Allah nous éduque pour nous faire montrer que si on se dirige vers lui sincèrement, et si on s'éloigne des péchés sincèrement, et si on met l'intention de chercher le bien, Allah Azzawajal nous donne au-dessus de nos espérances. Certains ont fini le Coran une fois, ils ne l'avaient jamais fini. Certains ont fini le Coran deux fois, ils ne l'avaient jamais lu deux fois. Certains ont prié durant la nuit en récitant le Coran plus d'une fois, ils n'avaient jamais veillé la nuit. Certains ont connu Allah Azzawajal comme ils ne l'avaient jamais connu dans la Ramadan. Voyez-vous tous ces bienfaits-là? Ça n'est que grâce à Allah Azzawajal. Soyez-en convaincus. Voulez-vous goûter à ces bienfaits une prochaine fois? Voulez-vous garder du goût de ces plaisirs, de ces délices, de ces adorations? Les savants nous ont donné la solution, elle est dans le Coran. Les savants nous ont donné la solution, elle est dans le Coran. Et je cherche refuge auprès d'Allah Azzawajal de venir à vous avec ce par quoi on n'a pas été devancé par les savants. Car nous ne sommes que de petits étudiants qui tentons de faire le pont et la liaison entre les gens de science et les gens qui sont comme nous parmi les gens de la masse. La solution, mes très chers frères bien-aimés, c'est un chouk, l'adoration de la reconnaissance. Et la preuve, mes très chers frères, elle est dans le Coran. Dans Sourate Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur proclama, assurément si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. Et si vous êtes ingrat, ou si vous mécroyez, certes ma menace ou mon châtiment est terrible, douloureux. Les savants ont tiré de ce verset que la reconnaissance face au bienfait d'Allah, hafidhun jalib. La reconnaissance face au bienfait d'Allah est une protection du bienfait présent. Naam. Et ça t'attire les bienfaits futurs. Est-ce que c'est compris? Quand tu remercies Allah pour le bienfait, tu remercies Allah pour le jeûne, sois convaincu qu'Allah va te faciliter à jeûner encore. Tu remercies Allah pour la prière de nuit, sois convaincu qu'Allah va te faciliter à prier encore la nuit. Tu as fait des sadaqat, tu l'as remercié pour cela, sois convaincu qu'Allah Azzawajal va te rajouter pour cela. Quand tu as prié, quand tu as fait des sadaqat, crois pas que tu as un mérite chez Allah. Quand tu as fait une aumône, crois même pas que tu as un mérite sur le pauvre. Quand t'as appelé à faire sadaqa, tu l'as fait, crois pas que t'as un mérite sur celui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a donné l'opportunité de te rapprocher d'Allah Azzawajal. Le pauvre n'est pas dépendant de toi. Que tu fasses ou que tu fasses pas, ton action, Allah va lui donner sa subsistance. Sois-en convaincu. Allah Azzawajal donne sa subsistance à l'animal qui est au fin fond de la mer, qui est éloigné dans le désert, qui vole dans les cieux et qui est sur la mer. Allah donne la subsistance à l'embryon dans le ventre de sa mère. Le pauvre, quand tu lui as donné, sache qu'Allah Azzawajal qui a mis dans ta main pour que tu lui donnes, tu n'es qu'une cause. Mais Allah a voulu t'honorer en faisant en sorte que tu sois la main qui donne et pas la main qui reçoit. Remercie Allah pour cela, il va t'enrichir encore plus, préserver les bienfaits que tu as, et il va te permettre de donner encore plus. Mais n'oublie pas, c'est grâce à Allah que tu as donné, et ça n'est qu'un test, ce que tu as dans ta main. لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, pour voir comment est-ce que vous allez agir. Pour voir comment est-ce que vous allez agir. Sois donc reconnaissant vers Allah. Il va te préserver tous tes bienfaits et il va t'en augmenter, il va t'en ajouter. Tu veux goûter au délice de la foi que tu as goûté pendant la Ramadan? Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Et ne t'attarde pas à compter trop tes hasanats. comme Abdullah ibn Saoud ou bien Abdullah ibn Omar disaient, comptez plutôt vos péchés, je vous garantis que rien ne se perdra de vos hasanats. Rien ne se perdra de vos hasanats. Al-shukr, c'est quoi? La reconnaissance, c'est pas le simple fait de dire Alhamdulillah avec la langue. Ça en fait partie, certes, mais ça n'est pas le tout. Il faut d'abord avec ton cœur que tu reconnaisses que ce bienfait, c'est grâce à Allah que tu l'as eu et que tu l'as fait. Donc tu augmentes ton amour pour lui. Deuxièmement, tu loues Allah pour ce bienfait. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Tu fais ses éloges, tu le remercies. Et troisièmement, tu utilises ses bienfaits à la recherche de son agrément. اِعْمَلُوا عَلَى دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait que vous recevez sans que ça ne vienne d'Allah, sans que ça ne provienne d'Allah. Voici ce qui est réellement ashukr. Allah Azza wa Jalla nous a appelé au shukr dans le Coran. Et si on le fait, on va pouvoir goûter à ce qu'on a goûté dans Ramadan. Et on va pouvoir garder ce qu'on a pu avoir dans Ramadan. Et on va pouvoir faire comme adoration recommandée ce qu'Allah nous a légiféré après Ramadan. Et je m'enjoins à moi ainsi qu'à vous, Ikhwan al-Kiram, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, où que nous soyons, quel que soit l'endroit dans lequel nous nous trouvons, et quel que soit l'ordre commandé par Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, je m'enjoins à moi-même ainsi qu'à vous-même, mes très chers frères, de ne pas oublier ceux auxquels on pensait dans le mois de Ramadan. Les pauvres, les gens dans le besoin, les gens en difficulté, les orphelins, les veuves, et j'en passe. Cette douceur qu'Allah a mis dans ton cœur pour eux dans le mois de Ramadan, cultive-la, irrigue-la, développe-la, et récolte-en les fruits, même après le Ramadan, durant toute l'année. Et ne minimise rien. Tu donnais des centaines d'euros dans le Ramadan, peut-être des milliers dans le Ramadan. Tu courais après les gens pour faire des aumônes dans le Ramadan. Allahu Akbar. Parce qu'Allah a rempli ton cœur de foi et de douceur. Ne minimise pas la sadaqa après Ramadan. Ne minimise pas un euro à donner en sadaqa après Ramadan. Un paquet de, yani, de raisins secs, un paquet de madha, de noix à offrir après Ramadan, un paquet de dattes, na'am, de sucettes, de gâteaux, de friandises, un vêtement, un chapeau, une chose qui va rentrer la joie à un enfant, du lait, de l'eau, du riz, du pain, na'am, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à la boucherie d'acheter un poulet à 4 ou 5 euros et de venir l'offrir et de venir le donner en sadaqa à une famille? Tu penses peut-être qu'ils n'ont pas cela. Qu'est-ce qui t'empêche d'acheter un sac de riz à 25 euros, à 30 euros et d'aller donner ça à une famille? Wallahi al-azim, ne méprise pas ya akhi la sadaqa. Le prophète alayhi salatu wa salam te dit, celui qui donne en aumône une chose avec de l'argent halal pur, et Allah n'accepte que ce qui est halal et pur, Allah Azza wa Jalla l'accepte avec sa main droite. Et il la grandifie, cette aumône. Et il l'immensifie, même si c'est une seule date, comme yani jusqu'à la faire devenir grosse, comme une montagne. Allahu Akbar. Comme l'un de vous prend son poulain et l'éduque jusqu'à le faire grandir. Une date, ya akhi al-karim, une date, ça coûte combien? J'aimerais bien avoir cette information. Une simple date, ça coûte combien? Le prophète sallam nous dit taqun nar walaw bi shiqqi tamra. Prémunissez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. La moitié d'une date, elle affecte ton paradis ou ton enfer. Et après, tous les jours fais des sadaqas. Tous les jours. Tous les jours fais des sadaqas. Pense à tes voisins. Pense à ceux qui sont dans le besoin. Pense aux orphelins. Pense aux veuves. Pense aux gens dans le besoin. Pense à ta famille en premier lieu. La meilleure sadaqa, c'est ce que tu mets dans la bouche de ton épouse, de tes enfants. C'est la meilleure sadaqa. Commençons par tes parents. Pense à ces gens auxquels tu pensais dans le mois de Ramadan si tu veux garder cette douceur. Et ne minimise pas. Et ne minimise pas la sadaqa. Il y avait d'autres recommandations. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accepter de nous. La dernière recommandation, c'est de finir ces jours-là et de finir notre vie de manière générale avec beaucoup d'istighfar. Avec beaucoup d'istighfar, en demandant beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quels que soient les efforts fournis, Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, Allah méritait bien plus que cela. Parce que quels que soient les péchés desquels nous sommes repentis, Wallahi alladhi la ilaha ghayru, il nous en reste beaucoup. Parce que quels que soient les péchés délaissés, Wallahi alladhi la ilaha ghayru, on en commet de jour comme de nuit. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, Kullu bani Adam khatta wa khayru khatta in at-tawwab. Tout fils de Adam est pécheur. Et le meilleur de ceux qui pêchent, de ceux qui pêchent est celui qui se repent. Non. On doit demander pardon à Allah quotidiennement. On doit espérer le pardon d'Allah quotidiennement. Et si on fait cela, on n'a plus qu'à espérer le grand pardon d'Allah Azza wa Jal. Wa inni la ghaffar. Allah est le grand pardonneur. Le grand pardonneur. Wa huwa al-ghafur rahim. C'est le grand pardonneur, le très miséricordieux. Quel que soit le péché, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Et si avant Ramadan, tu étais dans des péchés gravissimes, tu en es sorti, reste sur la constance après Ramadan, ne retourne pas à tes péchés. Et les gens diront ce qu'ils voudront de toi. Ah, elle se prend pour un tel, ah, elle se prend pour une telle, alors qu'elle faisait ça, alors qu'elle... Oui, je faisais cela. Et j'étais un pécheur. Oui, je faisais cela. Et peut-être que la personne dira, je n'étais même pas musulmane. Et oui, je faisais cela. Et je ne priais même pas. Et oui, je faisais cela. Et je ne me voilais pas. Et oui, je faisais cela. Et j'allais dans le haram. Et je disais le haram. Et maintenant, c'est terminé. Mon Seigneur m'a guidé, m'a fait voir la vérité. Oui, je faisais cela. Et maintenant, j'ai goûté à la foi. Et je veux être un serviteur pieux d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qui t'empêche de répondre à cela? Ne te soucie pas de ce que les gens diront de toi. Soucie-toi de ce qu'Allah voit de toi et ce qu'Allah a vu dans ton cœur. Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa la ila samikum wa lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos corps, il regarde vos cœurs et vos actions. Pour parfaire tout ce que nous venons de dire ici, il faut arrêter les péchés. C'est la seule épine qu'il y a dans notre gorge qui nous empêche d'avancer. C'est pour cela que le prochain cours sera inshallah ta'ala les causes du délaissement des péchés. Et ça sera annoncé, incha'Allah ta'ala, sur le site La Voix Droite. Wallahu a'lam. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. اللهم إنا نسألك القبول يا شكور اللهم إنا نسألك القبول يا شكور اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم إن بعضنا قد دفن أحب الناس إليهم وعظم شوقهم إليهم وتألم بمفارقتهم فاللهم اجبر كسرهم والتف بقلوبهم وارحم موتاهم وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا لا يصلحها إلا أنت اللهم اصلح ذرياتنا لا يصلحها إلا أنت Allahumma ahdihim. Allahumma aslihim. Allahumma aslihum. Wahdihim. Allahumma inna nas'aluka al-thabat. Allahumma inna nas'aluka al-thabat. Allahumma inna nas'aluka al-thabat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم عامل الظلمة بما يستحقون يا عزيز يا قوي اللهم عامل الظلمة بما يستحقون يا قوي يا عزيز سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.